telle une statue de bronze. J'ai décidé de la détruire. J'ai pris mon couteau et j'ai gratté toute la noblesse de cette dame. Mes yeux la fixaient. Pourtant, elle restait là. Noir et froid. Telle une statue de bronze. J'ai décidé de la détruire. Et disparu.